Chapitre troisième. Malheur. Mais alors, que vit-elle? Au lieu d'un monstre, de l'espèce que sa mère lui avait donné à entendre, c'était bien le plus beau prince qu'il fût possible de souhaiter. À la vérité, il était bien difficile d'imaginer un jeune homme plus accompli et de traits plus charmants. À peine Herda l'eut-elle aperçu, qu'elle en tomba amoureuse au point qu'il lui sembla qu'elle ne pourrait plus vivre si elle ne lui donnait au moins un baiser. Elle le fit donc avec tout le transport dont son cœur se montrait capable, mais cependant, pas avec assez de précaution pour éviter de pencher la chandelle et de laisser, par mégarde, tomber trois gouttes chaudes de suif sur la chemise du jeune prince. À peine se fut-il éveillé sous la brûlure que les gouttes lui causèrent, que celui-ci s'aperçut de la confusion dans laquelle était la jeune fille. « Qu'avez-vous fait, Herda ?» lui dit-il. « Maintenant nous voilà malheureux, tous les deux par votre faute. Ah, si vous aviez attendu au moins la fin de cette année, j'eusse été libre. » Sachez en effet que j'ai une belle-mère qui a enchanté de telle sorte que je suis un ours blanc pendant le jour et un homme pendant la nuit. Mais maintenant, par suite de votre imprudence, tout lien est rompu entre nous. Je dois partir, m'éloigner de ce château et rejoindre ma marâtre. Celle-ci dispose d'un grand pouvoir. Elle vit dans un château encore plus inaccessible et plus grand que celui-ci qui se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Et là aussi vit à ses côtés une méchante princesse au nez long de trois aunes. Et c'est cette princesse que je devrais épouser. » Herda eut beau gémir, crier, exprimer en pleurant tout son désespoir, cela ne servit de rien contre l'accomplissement du destin inexorable. Rien ne pouvait plus retenir le prince. Cependant, avant qu'il eût pris congé d'elle, Herda le supplia de lui permettre de l'accompagner. « Non, répondit-il, cela n'est pas possible. Eh bien, dites-moi au moins quel chemin vous prendrez pour que je puisse vous retrouver, » ajouta Herda. « Cela, on ne peut m'empêcher de le faire. » « Certes, dit le prince, on ne peut s'opposer à un tel dessein. Cependant, il n'y a aucune route qui conduise où je vais. C'est un pays qui se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et de mémoire d'homme, personne n'en a jamais découvert le chemin. » Le lendemain, à son réveil, Herda s'aperçut que le prince et son château avaient disparu. Comme le jour avait bien de la peine à venir jusqu'à elle, la jeune fille vit qu'elle était sur un petit tertre de mousse au milieu d'une forêt obscure et profonde. À ses côtés était posé le même paquet de hardes qu'elle avait emporté la première fois en quittant la maison de son père le pêcheur. Après s'être frotté les yeux pour se convaincre qu'elle n'était pas le jouet d'un songe, Herda, considérant l'abaissement où elle était réduite, ne put faire taire sa douleur. Elle pleura, jusqu'à ce que, ses yeux étant devenus secs, elle tomba épuisée. Mais le désir de revoir le prince était plus fort que tout. Aussi, pour s'efforcer de le retrouver, se mit-elle en route et marcha-t-elle pendant des jours et des jours. Elle parvint ainsi à un grand rocher dressé dans un paysage effrayant. Près de ce rocher était assise une vieille sorcière qui jouait avec une pomme d'or qu'elle jetait en l'air. La jeune fille, non sans être saisie de crainte, lui demanda si elle connaissait le chemin qui conduit au château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. « C'est dans ce château, dit-elle, que vit auprès de sa belle-mère le prince à qui le sort destine pour femme une princesse au nez long de trois aunes. » « Comment le connaissez-vous donc ? » rétorqua la vieille. « Mais peut-être êtes-vous la jeune fille qui devait l'épouser ?» Herda rougit à ces mots, mais force lui fut bien d'avouer que c'était elle la jeune fille attendue. « Ainsi, c'est vous ? C'est vous ? » s'écria la sorcière avec une grande force. « Eh bien, tout ce que je puis vous dire au sujet de ce prince, c'est qu'il vit dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Si vous avez de bonnes jambes, vous y arriverez tôt, tard ou jamais. Je ne puis rien vous apprendre de plus. Cependant, si vous le désirez, je puis vous prêter mon cheval. Grâce à lui, vous pourrez vous transporter jusque chez une de mes plus proches voisines, qui sera mieux que moi à même de vous renseigner. Quand vous serez parvenu à destination, ayez seulement soin de donner au cheval, sous l'oreille gauche, un petit coup de baguette de coudrier. Le cheval reviendra de lui-même à la maison. Attendez, prenez aussi cette pomme d'or et gardez-la. » À ces derniers mots, Herda comprit que la vieille était fée et qu'il ne pouvait résulter rien que d'heureux pour elle à suivre ses conseils. Elle monta sur le cheval, qui, à la vérité, était petit, trapu, nerveux à la façon de ces beaux chevaux du Jutland qu'elle avait vus, au temps de son enfance, galopait au bord de la mer. Ainsi, montée en Amazone, elle voyagea longtemps, longtemps, et jusqu'à ce qu'elle eût rencontré un tertre fleuri au cœur d'un bois sombre et touffu. À peine y était-elle parvenue, qu'elle aperçut à proximité une sorcière aussi sordide et aussi vieille que la première, et qui tenait en sa main un peigne d'or. La jeune fille, toujours occupée de l'idée du prince, demanda à cette vieille si elle connaissait le chemin qui mène au château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. La sorcière lui fit la même réponse que celle que lui avait faite la première vieille. « Je ne sais rien du château dont vous parlez, sinon qu'il est situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Vous y arriverez tôt, tard ou jamais, » ajouta-t-elle sur le même ton que sa devancière. « Mais si vous le souhaitez, je puis vous prêter mon cheval qui vous conduira à ma voisine la plus proche. Celle-ci sera peut-être assez instruite pour vous renseigner. Tout ce que je vous demande, quand vous serez parvenu à destination, est de renvoyer le cheval en le frappant sous l'oreille gauche d'un petit coup de baguette de coudrier. De plus, comme je vous porte intérêt, je vous fais présent de ce peigne d'or. Acceptez-le, il pourra vous être utile. » La jeune fille accepta le don du peigne comme elle avait accepté celui de la pomme. Puis elle partit et chevaucha si longtemps que ses forces le lui permirent. À la fin, elle atteignit encore un autre grand rocher aussi escarpé que les précédents. Une vieille, qui filait un rouet d'or, était accroupie auprès. Toujours animée de sa grande idée de revoir le prince, Erda trouva assez de force en elle pour s'adresser à cette vieille dont le visage lui faisait peur. « Pourriez-vous, lui dit-elle, m'indiquer le chemin qui conduit au château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune ?» La réponse de cette vieille fut semblable à celle que la jeune fille avait entendue déjà. « Peut-être, ajouta la sorcière, êtes-vous celle qui devait épouser le prince ?»« Oui, répondit la jeune fille, c'est moi. » Mais la troisième vieille, encore qu'apparemment elle fût fée, ne semblait pas mieux connaître le chemin que ses pareils. « Je sais, dit-elle, que c'est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, mais le reste, je l'ignore. Tôt, tard ou jamais, vous atteindrez à ce chemin de vos rêves. Tout ce que je puis faire est de vous prêter mon cheval, de vous conseiller d'aller trouver le vent d'est et de le prier de vous conduire au pays que vous cherchez. Surtout, quand vous serez arrivé auprès du vent, ne négligez pas de donner au cheval, sous l'oreille gauche, un petit coup de baguette de coudrier. De lui-même, il retrouvera le chemin et reviendra ici. » La vieille, qui avait quelque compassion, donna son rouet à la jeune fille. « Peut-être, dit-elle, chargée de la pomme, du peigne et du rouet que, malgré sa fatigue, elle se garda bien d'abandonner jamais, la jeune fille chevaucha aussi longtemps qu'il lui fut permis d'apercevoir la maison du vent d'est. »